J'étrangle le beat, c'est un boulot dans mes cordées. La vie c'est grave, même pas moyen de nous accorder. Tout le monde est corda, le chétan a abordé nos cerveaux et le bon sens que Dieu nous a apporté. J'ai poussé le vice en bas du ravin de ma rive. Navigue sur un pétard, dis-moi comment atteindre la rive. Je noircis pas mes pages, elles s'assombrissent tout seul. Comment canaliser tout le seum sans fumer un peu de douceur. Si tu passes ton chemin, te file les raccourcis. On mate notre futur comme si on voyait nos parcours vivre. Impuissant face au destin, j'imagine que quand j'y je ris jaune. Depuis que la vie m'a demandé de pas sourire, imprime une photo de mes yeux, couleur magenta. Un nuage de fumée, un tarpé et ça j'éclate. Si on s'engraine, c'est pour faire pousser l'espoir. Ensemble une direction et chacun son histoire. Si je fume un Yves, c'est normal, j'en suis dépendant. On change pas après des générations, des tendances. Si on se fait mal, on dit que c'est pour notre bien. Attendons le chapitre final, c'est trop long, demain c'est loin. Si je fume un Yves, c'est normal, j'en suis dépendant. On change pas après des générations, des tendances. Si on se fait mal, on dit que c'est pour notre bien. Attendons le chapitre final, c'est trop long, demain c'est loin. On kiffe les mains vertes, t'as la Green Lanterne. On cherche des pochons de zeb et un petit tas de bises long terme. Mate ton reflet dans une mare de sang. Tout va trop vite, tu peux passer du pétard à la cendre. Si le ciel nous tombe dessus, je toucherai les étoiles. Si les fleurs du mal reculent, je couperai leurs pétales. Une vie comme ça, c'est bancal à te casser la gueule. Le bien et le mal, c'est un truc à embrasser un gun. Je voudrais faire mieux, c'est sûr, mais j'ai la flemme, mon gars. Car mon cerveau part en s'étude et que j'enflamme mon dard. On embrasse la Yves et on la baise après. Si t'en bats ta weed, bah faut que tu la pèse après. La vie c'est marche ou crève, et je crève d'envie que ça marche. Quand les gens se croient à l'abri, on voit que la Yves s'arrache. Déterre le hache de guerre et sort le calumet. Je promets de faire mieux car des vices, bah j'en ai abusé. Si je fume un Yves, c'est normal, j'en suis dépendant. On change pas après des générations, des tendances. Si on se fait mal, on dit que c'est pour notre bien. Attendons le chapitre final, c'est trop long, demain c'est loin. Si je fume un Yves, c'est normal, j'en suis dépendant. On change pas après des générations, des tendances. Si on se fait mal, on dit que c'est pour notre bien. Attendons le chapitre final, c'est trop long, demain c'est loin. Quand mes plans tombent à l'eau, j'agis en sous-marin. La chance, j'en ai un poil et bien trop sous la main. Je fais pas toujours les choses qu'il faut, à vrai dire même rarement. Quand je prends racine, on me les coupe avec des ciseaux. Si on se maintient au mur, c'est pour éviter de béton. Mon cauchemar c'est un pied de zèbre et un millier de décons. On fume nos livres, c'est chaud et pourtant ça fait des années. On se pose des questions après le point de nos retours dépassés. Reste la tease et la fume, la hantise et la thune. Débrouillardise et la ruse contre l'emprise de la lune. Le quotidien file des aigreurs, j'en suis estomaqué. On régresse de jour en heure, le passé reste marqué. Dur de définir demain avec trois petits points. C'est la merde, ma dictature, je peux dire qu'il n'y a pas de scrutin. On fume la Yves jusqu'au toncard et ça s'éteint lentement. Chacun a son étoile, mon gars, j'en vois plus scintillement. Si je fume un Yves, c'est normal, j'en suis dépendant. On change pas après des générations, des tendances. Si on se fait mal, on dit que c'est pour notre bien. Attendons le chapitre final, c'est trop long, demain c'est loin. Si je fume un Yves, c'est normal, j'en suis dépendant. On change pas après des générations, des tendances. Si on se fait mal, on dit que c'est pour notre bien. Attendons le chapitre final, c'est trop long, demain c'est loin. Si je fume un Yves, c'est normal, j'en suis dépendant. On change pas après des générations, des tendances. Si on se fait mal, on dit que c'est pour notre bien. Attendons le chapitre final, c'est trop long, demain c'est loin. Si je fume un Yves, c'est normal, j'en suis dépendant. On change pas après des générations, des tendances. Si on se fait mal, on dit que c'est pour notre bien. Attendons le chapitre final, c'est trop long, demain c'est loin.